The air trembles like the breath of an ancient god. As Rider Skill walks the final path. Le ciel pleure des cendres. La terre se tend sous nos pas. Le nom sacré résonne dans les eaux. Et chaque dune saigne sa foi. Raider Skill n'est plus un nom. C'est un brasier vivant. Raider Skill, Raider Skill. Dans les cris, dans les flammes, Raider Skill devient arme. Raider Skill, Raider Skill. Culte en furie, main vers le ciel, on tombe. En hurlant son appel. Zaka. C'est trop tard. C'est la naissance d'un culte.